Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Plus de 300 sources d'eau de la province Gitega-Ontarie indiquent que le gouvernement de cette province, la solution est le déracinement des eucalyptus plantés dans les marais, suggère la direction générale de l'Institut géographique du Burundi, IGBU. Des habitants du quartier dit Tchétchéni au quartier Kinanila lancent un cri d'alarme. Un ravin menace leurs habitations. Dans cette édition, nous vous parlerons des constructions anarchiques autour du lac Tanganyika. Le point, c'est dans cette édition mise en onde par le duo Dorine Uwimana et Pitas Ndayishimiye. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, page politique pour débuter cette édition dans la chronologie des projets de société des partis politiques. Le Front pour la Libération Nationale Mboza Burundi met en avant le développement agro-pastoral. La présidente de cette formation politique, Cécile Nshimirimana, explique que son parti compte développer aussi le secteur de l'éducation par la spécialisation dans les domaines dépendamment du calibre de l'élève afin de développer sa province natale. On l'écoute au micro de Moïse Misago. Pour notre projet de société, nous allons d'abord présenter trois aspects. Nous allons développer l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire mettre en valeur notre agriculture, mettre en valeur l'élevage, c'est-à-dire que donc un éleveur peut élever et se donner de tout ce qu'il veut. Bon, un agriculteur, il peut cultiver, récolter, vendre ce qu'il a récolté. Donc c'est dommage qu'on consomme l'huile, qu'on a écrit l'huile de marque Chine, alors que nous avons des parmes. Donc on peut cultiver les parmes et les récolter et amener même des usines pour la transformation de cette huile. Un éleveur qui élève une vache, d'abord, donc la vache produit de la viande, on peut vendre la viande à l'étranger, l'air pour à l'étranger. On peut vendre donc du lait. Tout cela peut nous amener des devises, par exemple. Lorsqu'on va des poêles à l'extérieur, ça donne des devises. Lorsqu'on va des cafés à l'extérieur, ça donne des devises. Lorsqu'on va du thé à l'extérieur, ça donne des devises. Donc nous allons développer le secteur agricole et le secteur élevage. Concernant le secteur éducation, nous allons renforcer. Notre parti Florina profite de cette occasion pour féliciter Madame la ministre qui est en charge de l'éducation. Elle a bien fait. Maintenant, donc, les élèves ne portent pas de mini-jupe. Maintenant, ils se comportent comme des élèves, ils se comportent comme des enfants. Dans ce cas-là, si une fois le Florina gagne les élections de 2020, nous allons amener d'autres stratégies. C'est-à-dire, un élève qui comprend la mathématique, donc peut évoluer en mathématiques. Un élève qui comprend très bien l'élevage ou l'agriculture, il va s'évoluer dans ce secteur. Même en donnant du travail, on va d'abord l'amener chez eux pour développer donc la province natale. En concernant la démocratie, nous allons renforcer la démocratie. Nous félicitons même le gouvernement qui il a bien fait. Maintenant, nous sommes des partis politiques, nous pouvons discuter. La démocratie, nous allons renforcer donc l'expression des peuples. Le peuple va avoir de mots à dire. Cécile Nshimirimana, c'est la présidente du Front pour la Libération nationale. Frolina, en page environnement. Une partie du lycée technique Moura, une église et une maison s'est déjà écroulée dans le ravin se trouvant dans la localité dit Tchétchéni, quartier Kinanira 2, en commune Moura, c'est au sud de la ville de Bujumbura. Des habitants de cette localité disent que ce ravin s'agrandit au fil du temps à cause des eaux des pluies. Les initiatives des riverains de cet endroit restent sans effet sans l'appui du gouvernement et demandent une intervention rapide et les précisions de Vestine Utoi. Ces voix sont celles des personnes étonnées par le ravin qui s'agrandit à chaque heure qui se passe. Ce ravin, se trouvant dans la localité de Tchétchéni, a une profondeur de plus de 20 mètres et une largeur de plus de 10 mètres. Entre la route goudronnée menant vers le marché Moussaaga et ce ravin, il y a une distance de moins d'un mètre. Au bord du dit ravin se trouvent des personnes qui sont en train de faire des gabions en vue de réduire l'allure de celui-ci. Un de ces riverains de cet endroit dit que les eaux de la pluie en provenance du caniveau creusé par par le camp militaire de base armée à Moha pourrait être la cause de l'aggravation de ce ravin. Des salles de classe et du lycée technique de Moha, l'église du réveil des nations, ainsi qu'une maison, se sont déjà écroulées, ajouta-t-il. À part ces infrastructures déjà endommagées, cet habitant de Tchétchénie fait savoir que même la route goudronnée traversant cette localité risque d'être attaquée si rien ne se fait dans les meilleurs délais. Cependant, il déplore que même les initiatives faites par les riverains de cet endroit restent sans effet sans l'intervention du gouvernement. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de leur venir en aide dans les plus brefs délais afin de prévenir les autres dégâts, y compris les pertes de vies humaines qui pourraient surgir. À 13h03 dans le studio de la radio Sanganiro, poursuivons cette édition. Je vous l'avais annoncé en titre, plus de 300 sources d'eau ont déjà tari dans la province de Gitega. Comme l'indique le gouverneur de cette province, aussi le niveau d'eau de la nappe phréatique de la vallée de Nyanzari, où se trouvent plusieurs forages et le grand réservoir de la grande partie de l'eau utilisée dans la ville de Gitega a diminué. Le directeur général de l'Institut géographique du Burundi, Jebou, préconise la destruction de tous les eucalyptus plantés dans les environs des rivières et vallées pour éviter ce phénomène. Cela parce que l'eucalyptus consomme beaucoup d'eau, des précisions de Gérard Nibikira. Le gouverneur de la province Gitega, Vena Manirambona, fait savoir que jusqu'à présent, 349 sources d'eau ont déjà tari dans sa province. Il souligne également que 633 autres tendent à tarir. Le directeur général de l'Institut géographique du Burundi, Jebou Augustin Zirabona, explique ce tarissement. C'est maintenant que la population vient de faire une prise de conscience que les différents boisements artificiels consomment énormément l'eau des nappes phréatiques. On a observé que certains endroits où on a les plants d'eucalyptus, c'est là où les sources commencent à tarir parce que les eucalyptus consomment énormément l'eau qui est dans la nappe phréatique. Pour éviter donc le tarissement des sources d'eau, il propose ce qui suit. On est en train d'éradiquer cette espèce d'eucalyptus pour planter des espèces qui ne consomment pas l'eau qui est contenue dans les nappes avec des racines superficielles et qui sont des essences autochtones. Cela étant, l'eau de la nappe phréatique continue à diminuer dans la vallée de Nyanzari où se trouvent plusieurs forages et un très grand réservoir d'eau qui alimentait la ville de Gitega. Ainsi, une opération de coupe systématique des eucalyptus plantés sur le bassin versant des monts qui surplombent la vallée a débuté de vendredi dernier. Le gouverneur Venama Nilambona précise que l'opération de dessouchage commence à partir de jeudi de la semaine en cours. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Page éducation de cette édition à 13h05 dans le studio de la radio Isanganiro. Grève depuis jeudi de la semaine passée des élèves finalistes dans la section langue au lycée communal Gwatemba, 6 ans, commune Vianda de la province Bururi. Depuis jeudi, disent s'insurger contre le monnayage des points de l'un de leurs enseignants. Au niveau de la direction de cette école, l'on informe que ces élèves n'ont pas pu trouver leurs propos et une solution incluant les parents de ces élèves est prévue ce lundi pour tenter une solution à ce problème. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains élèves du lycée communal Bratemba indiquent que les élèves finalistes de la section langue à cette école ont commencé à manifester leur mécontentement depuis le début de la semaine dernière et cela en boycottant le cours d'un enseignant qu'ils accusent d'attribuer des points dans des voies indignes d'un enseignant. Mais ils ont été obligés de suivre le cours ce jeudi sous la supervision du directeur de l'école. Mais après, ils sont sortis de la classe et ont obligé même les autres élèves à suivre leur mouvement. Au cours de la réunion organisée le lendemain par le directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Vianda, en compagnie du représentant de l'église de Pentecôte et de Bratemba, dont dépend cette école, et le représentant des parents, ces élèves en grève n'ont pas fourni des preuves de leurs propos et il a été décidé qu'ils regagnent la classe, selon Isaïe Barahoga, le tout nouveau directeur de cette école. Ces élèves s'y sont opposés et ont décidé de rester à la maison jusqu'à ce que leurs problèmes trouvent solution. Les responsables scolaires leur ont demandé de ne pas perturber les activités dans les autres classes et ils ne se sont pas présentés ce lundi à l'école. Une réunion de tous les concernés, les parents d'élèves y compris, est prévue ce lundi pour statuer sur ce cas. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre. À Misago, certains habitants du quartier Kizingwe Bihara de la zone urbaine de Kanyosha demandent l'indemnisation pour leur parcelle conformément à la convention conjointement signée avec la société immobilière publique SIP, en sigle qui est le premier gestionnaire de viabilisation de ce quartier. Ses habitants, qui forment le deuxième groupe de ceux qui devraient être indemnisés, demandent que la même règle soit appliquée pour tout le monde. Quant à l'administrateur communal Daniel Kabura, il leur conseille de recourir aux responsables administratifs. Le point avec Aimé Richard Niyonkuru. Ces habitants du quartier Kizingwe Bihara, nous sommes dans la zone Kanyosha, commune de Muha, à mairie de Bujumbura, se plaignent comme quoi le processus d'indemnisation n'a pas suivi le rythme convenu avec la société immobilière publique SIP en sigle, qui est en train de viabiliser ce quartier et qui devrait indemniser ses propriétaires des parcelles victimes du projet de viabilisation dans ce quartier. Ces habitants de Kizingwe Bihara, regroupés en deux grands groupes de ceux qui devraient être indemnisés, ne partagent pas les mêmes inquiétudes du fait que le premier groupe n'a pas eu beaucoup de problèmes d'indemnisation, même si la somme à percevoir n'était pas aussi précise. Côté administration, ils n'ont ni pas des imperfections dans ce processus d'indemnisation de ces citoyens de Kizingwe Bihara, mais pasteur Daniel Kabura, administrateur de la commune urbaine de Muha, conseille à ces derniers de recourir aux responsables administratifs en vue d'être rétablis dans leurs droits. Oui, nous sommes au courant de cette situation. Nous avons même tenu une réunion à l'intention de cette population en collaboration avec la société SIP et l'association des propriétaires de terrain en quartier Kizingwe Bihara et aussi avec l'administration. Nous avons relevé quelques cas de gens qui ont construit après l'année 2013 dont la société et l'association avaient recommandé de ne plus construire des maisons dans ce quartier parce qu'ils seront susceptibles de ne pas avoir des indemnisations comme ils le réclament. Mais il y a d'autres cas de gens qui ont perçu des indemnisations mais dont les maisons restent encore dans le cadre. Nous disons que la population ne peut pas donner un jugement gratuit disant que ils ont été violents, alors que ce sont eux qui sont en violation de la loi en vigueur en rapport avec la viabilisation intégrée dans le quartier Kizingwe Bihara. On n'a pas encore eu la réaction des responsables de la société immobilière publique SIP en sigle. Nous avons été mis au rendez-vous dans nos éditions ultérieures. Richard Niyonkuru, parlons encore environnement. Des constructions érigées à moins de 20 mètres du lac Tanganyika se font remarquer dans les quartiers Kibengalak et Kinindo-Ouest dans la commune urbaine de Muha. À cet endroit, les eaux du lac sont très sales avec les pluies abondantes. Ces eaux du lac Tanganyika approchent de plus en plus les ménages environnants, ce qui pollue de plus ce lac. Les précisions de Ben Niyonkuru. Au bord du lac Tanganyika, à moins de 20 mètres des eaux de ce lac, des constructions y sont érigées dans les quartiers Kibenga du lac et Kinindo Ouest. Il s'agit soit des bars, soit des plages ou des maisons d'habitation. Le service de lavage de véhicules y est aussi offert sur cette partie du lac Tanganyika. Ces laveurs de véhicules utilisent ces eaux du lac Tanganyika. Ils y déversent les déchets provenant des véhicules lavés ainsi que de l'eau sale utilisée pour le lavage. Des pêcheurs de petits poissons se font aussi remarquer sur cette partie du lac Tanganyika. Les eaux de ce lac ne sont séparées sur certaines parties que par les herbes aquatiques ou par des allées. Tous ces travaux facilitent la pollution des eaux du lac Tanganyika. En conséquence, les eaux de cette partie du lac ont une couleur noirâtre et dégagent une odeur nauséabonde. Sur la partie est du lac Tanganyika, des bornes montrant des limites où les constructions ne devraient pas dépasser sont implantées. Elles ont soit été respectées ou non dans certaines parties selon les habitants environnants. Certaines constructions sont érigées dans des espaces qui jadis étaient occupés par les eaux du lac Tanganyika. Cela étant, l'article 5 du Code de l'eau place tous ces espaces parmi les aires protégées. Au Bain, Nyonguru, les constructions érigées de façon anarchique sur les rives du lac Tanganyika peuvent être démolies à tout moment, du moins celles construites en violation des 150 mètres prévus par le Code de l'eau. Le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat évoque la nécessité de mettre une limite pour protéger les largeurs de 150 mètres sur les bords du lac. Sylvain Rancha Guilidje affirme que la plupart des constructions aux environs du lac Tanganyika sont érigées en violation du Code de l'eau. On l'écoute. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des constructions qui ont été détruites tout autour de ce lac. Pas beaucoup, mais chaque fois qu'il s'est manifesté une construction quelconque, les voisins, l'administration, tout le monde a dénoncé. Et le ministère ayant les travaux publics et l'urbanisme dans ses attributions a dû réagir. Ce travail pourra continuer. Ce travail doit absolument continuer parce que c'est un travail journalier et nous déplorons le fait qu'il n'y a pas de limite. On pourrait à la limite planter des arbres le long de ces 150 mètres qui séparent le lac et là où devraient ériger des propriétés résidentielles ou industrielles. Mais si ces constructions sont érigées en pleine journée, où réside le blocage? C'est la population urbaine qui fait des spéculations foncières. Parce que ceux qui construisent le long de ce lac Tanganyika, la plupart n'ont pas des autorisations officielles venant de notre service. Je voudrais encourager les voisins, l'administration, tout le monde à collaborer pour protéger notre lac efficacement. Qu'est-ce que vous allez faire afin de différencier les acquéreurs de bonne et ceux de mauvaise foi? Les acquéreurs de bonne foi, vous leur demandez des papiers à leur disposition. Si ce sont les autorités habilitées qui ont donné les permis de construire, là, il y a une loi récursoire sur les faits et gestes posés à l'endroit de la population. Même ceux qui ont donné cette autorisation peuvent être punis maintenant. Place à la chronique sportive de cette édition. Un terrain de football respectant les normes est un rectangle qui mesure 110 mètres de longueur et 75 mètres de largeur. Explication d'un expert en matière de football, en même temps président en charge des compétitions au sein de la Fédération burundaise de football FFB. Youssouf Mossi précise que les joueurs de football, quand ils jouent, sont protégés par 17 lois qui ont été rédigées par le Comité international des arbitres à la fin du 19e siècle. La chronique sportive est signée Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Selon cet expert en matière de football, un télé doit répondre aux standards internationaux. Youssouf Moss explique que cela permet l'aisance pendant le jeu. Un terrain de football, c'est le rectangle que vous voyez sur lequel les joueurs évoluent. C'est un rectangle qui est délimité par des lignes. Ce terrain a des dimensions qui sont reconnues au niveau international. Il y a des terrains pour les entraînements normaux, il y a des terrains pour les compétitions locales, il y a aussi des terrains pour les compétitions internationales. Chaque catégorie de terrain a ses dimensions pour les matchs internationaux. La longueur varie entre 100 et 110 mètres et la largeur varie entre 70 et 75 mètres. Aussi entre 105 et 70 mètres pour les terrains où on peut jouer les matchs internationaux. Ce président en charge des compétitions au sein de la Fédération burundaise de football FFB ajoute que dans son terrain, on y trouve différentes parties. Les différentes parties qui composent le terrain de football, il y a d'abord les lignes qui délimitent le terrain. D'un côté, nous avons les buts, donc c'est-à-dire la cage, là où se positionne le gardien de but. Et de là, nous avons les buts qui mesurent 7,32 m sur 2,44 m. Et ces buts sont couverts par des filets qui protègent les ballons qui rentrent et de là qui attestent réellement si le ballon est bien rentré. Et nous avons le petit rectangle de 5,50 m, donc c'est la zone du gardien, là où le gardien évolue. Et cette zone permet au gardien de se mouvoir complètement Nous avons la surface de réparation, c'est la surface où, où presque toutes les actions se passent. De là, si votre équipe commet une faute dans cette zone, le jugement c'est que c'est une sanction d'un penalty. Lors d'une compétition, les joueurs sont légis par 17 lois adoptées par le Comité international des arbitres à la fin du 19e siècle. Il n'y a que les 17 lois parce que le jeu du football dans le temps se jouait sans arbitre, sans loi. Donc ça dit que les gens y jouaient. Quand quelqu'un commettait une faute, ce sont les joueurs eux-mêmes qui appréciaient qu'il y avait une faute. Youssouf Moss fait savoir que ces lois ont amené la modification du système de jeu, ce qui a attiré rapidement les amateurs du ballon long car auparavant il n'y avait pas de loi législant le football. Point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive et merci également à toute l'équipe qui était du côté de la cabine technique. Un excellent après-midi à tous et à tous. Au revoir. Issa.